N'oubliez pas que moi, je suis acteur majoritaire de ces événements du 23 et 24 janvier. Moi, je n'ai pas décidé. J'ai été choisi. Et ça fait 3 semaines de cela que ça bouillonne. Les jeunes officiers comme les soldats, ça bouillonne. J'ai essayé de le dire, attention, attention, attention. La dernière fois, j'ai souffert pour découper la situation, pour dire aux gens de faire pardon, de ne pas faire quelque chose. Je suis allé le voir. Je suis resté pendant près d'une semaine à Ouagadougou. Le parler, mais rien. Et les gens voient aussi la destination qu'il prend politiquement. Donc ça aussi, ça pose problème à certains Burkinabés. Je suis reparti dans mon combat. Finalement, les hommes ont décidé qu'on revienne et je suis là. Afrique Média, le monde, c'est nous.